Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, n'aie pas peur de ceux qui font des complots contre toi. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de crainte. Pourquoi as-tu peur? N'aie pas peur de féticheurs, de sorciers. Tu sais, l'ennemi cherche à t'intimider. Avance avec le Seigneur. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui que tu dois craindre. C'est lui, tu dépends de lui. N'aie pas peur des hommes. Oh, homme de Dieu, ce n'est pas les hommes qui t'ont appelé, mais c'est Jésus-Christ. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sous la brèche. Nous allons lire Actes chapitre 2, 1 à 13. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je avec notre passage, c'est Actes 2, 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités concernant ce passage qui nous parle de la Pentecôte. La première vérité concerne le symbole ou la manifestation du Saint-Esprit. Nous voyons ici un symbolisme qui est significatif. Nous voyons trois petits éléments importants qui nous montrent comment le Saint-Esprit se manifestait ce jour de la Pentecôte. Il y a le bruit, deuxièmement le vent, troisièmement le feu. Le verset 1 dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, bien-aimé dans le Seigneur. Là où l'Esprit de Dieu agit, il y a un bruit. Pas un bruit dans le sens du désordre, mais un bruit qui symbolise la vie. J'aimerais aujourd'hui que dans nos églises, nous puissions avoir la vie. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et là où l'Esprit de Dieu agit, il y a la vie, il y a les bruits. On loue le Seigneur, on adore le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. N'étouffons pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu provoque un bruit. On dit, il y avait tout à coup un bruit. Mais c'est quel bruit? Un bruit qui vient du ciel. Parce qu'il y a des bruits qui viennent de l'enfer. Les bruits qui viennent de l'enfer, ça crée le désordre. Vous voyez, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre, mais un esprit d'ordre. Mais un bruit qui vient du ciel. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es malade, on t'a dit que tu dois mourir parce que tu souffres du diabète, parce que tu souffres du diabète qui est à une phase avancée. J'aimerais te dire que tu peux guérir de ce diabète. Et pendant que je parle, il y a un bruit qui peut venir du ciel. Lorsque ce bruit vient, le Saint-Esprit va descendre sur ta vie. Il peut te toucher, il peut te libérer et tu vas voir la manifestation de la puissance divine dans ta vie. Voyez, un bruit qui vient du ciel. Il y a aussi, qu'on signe le vent, on dit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Nous savons tous, il y a des vents impétueux qui déracinent, qui font des dégâts. Mais ici, le vent du Saint-Esprit crée des dégâts, mais dans le camp de Satan. Dans le sens où, lorsque le vent du Saint-Esprit souffle quelque part, ce vent peut balayer le pouvoir de la maladie. Ce vent peut balayer la malédiction. Je suis parlé à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Peut-être que dans ta vie, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu ne fais qu'échouer. Dans toute ta famille, on dirait qu'il y a une malédiction qui plane. Je prie qu'en ce jour maintenant, que nous commémorons la Pentecôte. Dans cette semaine, le vent du Saint-Esprit souffle maintenant dans ta vie. Je parle à quelqu'un dans un couple. Écoute-moi bien. Ces derniers temps, il y a toujours des problèmes de maladie. Toi-même, tu es tombé malade. Et puis ta femme est tombée malade. Presque tous vos enfants sont tombés malades. C'est comme s'il y a un mauvais esprit qui a soufflé, un esprit de maladie. La Pentecôte est une occasion maintenant où nous allons prier pour dire que tous les vents contraires au vent du Saint-Esprit soient chassés loin de ma maison. Et tu vas prier maintenant pour que le vent du Saint-Esprit souffle. Oui, je suis en train de prier maintenant. Maintenant même, pour toi qui me suis dans ta chambre, pour que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant, pour balayer. Il y a quelqu'un, tu me suis, mais tu n'arrives pas à respirer. Ces derniers temps, tu as des problèmes de respiration. Tu te sens étouffé. C'est comme s'il y a quelque chose qui bloque ta poitrine. Il y a quelque chose qui bloque ta respiration. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ pour que les chaînes d'étouffement soient brisées. Je prie maintenant pour que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi maintenant. Qu'il souffle dans ta chambre, qu'il souffle dans ta maison au nom de Jésus. Et que tout étouffement puisse te libérer maintenant au nom de Jésus. Le vent du Saint-Esprit. Un vent impétueux, un vent qui communique la guérison, un vent qui communique la vie, un vent qui communique la santé, un vent qui communique la restauration, mais un vent qui détruit les œuvres du diable, un vent impétueux. Nous avons besoin de ce vent dans nos vies, dans nos maisons. Nous avons besoin de ce vent dans nos églises aujourd'hui, où maintenant nos églises ressemblent de plus en plus à des églises mortes. Nous avons besoin de ce vent. Priez pour que pendant la Pentecôte, que ce vent puisse souffler dans votre vie, dans votre communauté, dans votre église. Et nous voyons, troisième signe, c'est le feu. On dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chaque personne. Le feu est symbole de puissance. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu se manifestait souvent sous forme de feu. Lorsqu'il est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent. Les buissons étaient enflammés. Ça symbolise la puissance de Dieu. La Bible dit même que notre Dieu est un feu dévorant. Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant même que le feu du Saint-Esprit descende sur toi maintenant. Toi qui souffres des maux de tête, toi qui souffres des maux de ventre, toi sur qui on a découvert des fibromes, tu sens comme s'il y a quelque chose qui se promène dans ton ventre. Je déclare que maintenant le feu du Saint-Esprit descend sur ta vie pour consumer et neutraliser les œuvres des ténèbres. Le feu du Saint-Esprit. Ce feu nous communique les ailes, même dans les ministères. Tu es un jeune serviteur, un jeune pasteur, un jeune prophète. Lorsque tu prêches, tu ne sens plus la vitalité. Tu sens comme si tu vis un moment de sécheresse. Tu as besoin de ce feu maintenant. Il faut prier maintenant pour que ce feu t'embrase et tu auras encore les ailes de servir le Seigneur avec beaucoup plus de vigueur et de force. Deuxième grande vérité, les manifestations de charisme du Saint-Esprit peuvent créer des sentiments ou bien des réactions contraires. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, il y a eu comme manifestation le don de parler en langue, que certains appellent la xénoglossie. C'est-à-dire que les gens ont parlé des langues, les langues parlées sur la terre, mais sans les avoir apprises. C'est ça. Les gens commençaient à parler en d'autres langues. Cela veut dire quoi? Si par exemple, moi je suis baoulé, je ne connais pas les Djoula, je ne connais pas les Senoufo, mais je parle les Senoufo. Et celui qui est Senoufo, il m'entend parler du Senoufo, mais moi-même, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est un don spirituel que le Saint-Esprit donne. Mais malheureusement, parfois, on ignore ces choses. Ça peut encore se passer aujourd'hui. Vous voyez, le texte dit quoi? Le texte dit ceci, au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ce ne sont pas des langues qu'on fabrique. Ce ne sont pas des langues qu'on apprend à l'école. Si quelqu'un te dit, nous avons une école où on apprend à parler en langue, mon ami, il faut te méfier. On n'apprend pas à parler en langue. On dit, c'est selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un charisme, un don que l'Esprit donne à celui qu'il veut. Et il ne faut pas chercher à ce que tout le monde forcément puisse parler en langue, vous voyez? C'est un charisme que Dieu peut donner à qui il veut. Mais nous devons éviter des attitudes. Quelles sont ces des attitudes vis-à-vis des charismes? Évitons l'étonnement. Vous voyez, la Bible dit ils étaient étonnés. C'est-à-dire, c'est comme quelque chose d'étrange. Mais quand on connaît la parole de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'étonner. La Bible nous dit au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Je vais te dire quelque chose. Quand tu entres dans la dimension du Saint-Esprit, il y a des choses qui peuvent étonner les autres, que parfois l'intelligence humaine ne peut pas toujours saisir et cerner. Est-ce que tu comprends? Nous devons nous laisser souvent entrer dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Le deuxième sentiment que nous devons éviter, c'est la moquerie. Le verset 12 dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez, faisons attention dans nos églises. N'étouffons pas les gens qui manifestent les charismes. C'est vrai, ceux qui manifestent des charismes doivent le faire dans l'ordre, dans la discipline. Mais faisons attention, ne nous manquons pas d'autres personnes. Je vais encourager un jeune, écoute-moi bien. Tu es zélé dans ta vie chrétienne, tellement que tu commences à prier avec vigueur, tes membres de famille ne te comprennent plus. Il y a même des amis qui se moquent de toi. Parfois même dans nos églises, il y a des gens qui peuvent se moquer de toi et dire, toi on ne te comprend pas. Tu commences à beaucoup prier comme ça, est-ce que toi tu deviens pasteur? Les ailes du Saint-Esprit, n'étouffons pas les ailes du Saint-Esprit. Surtout quand quelqu'un vient de se donner à Christ, il y a un zèle que l'Esprit de Dieu donne. Parfois, il y a des gens qui sentent un charisme spécial pour se confier au Seigneur, pour commencer à prêcher l'évangile, pour commencer à évangéliser, pour prophétiser. Ces dons doivent se faire, doivent être bien canalisés. Évitez la moquerie. Les gens se disent ils sont ivres de vin doux. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Peut-être qu'il y a des gens qui se moquent de toi. On ne te comprend pas dans ta famille. Mais toi, tu sais que tu as reçu un appel. Oui, ne te laisse pas décourager. Utilise les dons que le Saint-Esprit t'a donnés pour l'édification du corps du Christ et pour sa gloire. Que le nom du Seigneur soit loué, soit glorifié. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, Esprit agit en nous, comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous, comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous, Esprit baptise nous, Esprit baptise nous, Esprit baptise nous, Esprit baptise nous, comme le jour de la Pentecôte, Esprit baptise nous, comme le jour de la Pentecôte, Esprit baptise nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, comme le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Comme le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mama, Akumisama, Asanjolama, Yesu, Ametolama, Libela na Libela. Mama, Akumisama, Asanjolama. Arrête la main, libéla na libéla. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Esprit descend sur nous. Lacombe. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Lacombe. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit descend sur nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Esprit baptisez-nous. Esprit baptisez-nous. Esprit baptisez-nous. Esprit baptisez-nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit baptisez-nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit baptisez-nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Akuma mae. Akumi sama. Asanjulama. Yesue. Anetulama. Libela na libela. Akuma mae. Akumi sama. Asanjulama. Aneto lama, libera na libera. Akumi sama, asanjo lama. Aneto lama, libera na libera. Akumi sama, asanjo lama. Aneto lama, libera na libera. Gloire au Seigneur. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Il est le Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il est capable encore de le faire aujourd'hui au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Tu es un feu dévorant, ô tendre Père, et ce feu détruit tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie. Tu es le Dieu souverainement élevé. Nous te glorifions en ce moment et nous t'élevons. Nous t'élevons ô notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Merci pour le Saint-Esprit de vie qui envoie un feu dans nos vies et qui fait entendre un bruit. Et ce bruit nous donne la vie, nous donne la paix. Nous te disons merci Seigneur, toi le Dieu qui nous parle à travers le Saint-Esprit de vie. Merci ô Seigneur pour le vent du Saint-Esprit qui emporte tout ce qui ne te glorifie pas. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises. Oh, merci de balayer maintenant les œuvres des ténèbres et de te glorifier pleinement dans nos vies, dans nos maisons et même dans nos églises, partout où nous sommes. Seigneur, nous voulons réellement que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié. Nous bénissons ton nom, toi qui fais entendre en ce moment le bruit des guérisons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, semaine spéciale de Pentecôte, où nous parlons du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous venons de parler de l'œuvre du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Actes 2, 1 à 13, c'est notre texte de base. Nous venons de voir que le Saint-Esprit peut provoquer un bruit qui vient du ciel, un vent impétueux qui peut déraciner les œuvres des ténèbres, mais aussi un feu qui peut nous donner la puissance, le zèle. et pour neutraliser les forces sataniques. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier particulièrement ce matin pour que le Seigneur souffle son vent dans notre vie, pour balayer tout ce qui n'est pas de Dieu. Que ce vent souffle, que ce vent, que nous puissions nous laisser conduire par ce vent, oui, selon la mouvance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Très excellent Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants Père éternel. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. C'est une grâce que nous recevons chaque jour de toi. Et c'est avec joie que nous exprimons notre reconnaissance. Ce matin Père, nous prions et nous demandons que tu souffles ton Esprit Saint. Que le vent de ton Esprit Saint souffle dans notre vie et ôte tout ce qui n'est pas de toi, tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêche de nous épanouir, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au Père que dans notre humilité, nous nous ouvrons et nous sommes disponibles à être guidés par ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous disons au Père éternel que tout blocage en nous, tout obstacle, toute restriction dans notre épanouissement, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout vent contraire, tout blocage satanique qui nous empêche dans l'œuvre du ministère, qui nous empêche dans le témoignage, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Père éternel pour la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans notre vie. Nous disons merci Père éternel pour la puissance du Saint-Esprit qui nous guide et nous conduit. Merci pour toutes choses. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que le Saint-Esprit se manifestait le jour de la Pentecôte sous forme du feu. Nous avons besoin de ce feu. Peut-être que tu es devenu tiède dans ta vie chrétienne, dans ton ministère. Tu vas prier maintenant. Chacun va prier pour dire, Seigneur, que ce feu descende en moi. Que ce feu m'embrase. Que ce feu consume tout ce qui est maladie, tout ce qui est œuvre satanique. Que tu me redonnes un zèle nouveau maintenant, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Merci ce matin, parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise du baptême de purification, mais lui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et tu as dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, je vous enverrai le paraclet. Vous ne serez pas orphelins, il sera avec vous, en vous et sur vous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous baptise véritablement de feu. Alléluia. Du recouvrement de la puissance. Alléluia. Dans la prière, dans la prédication de la parole de Dieu, dans l'amour, dans la sanctification, afin que ton feu brûle en nous, pour que le zèle de ta maison nous dévore, le zèle de l'évangélisation nous dévore, le zèle de l'amour de Dieu nous dévore, le zèle, notre Dieu, pour investir dans ta maison, pour nous aimer les uns les autres. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, baptise-nous de feu maintenant, maintenant même dans nos maisons, dans nos ministères, là où nous travaillons, afin que nous soyons distingués, nous soyons véritablement mis à part pour la gloire de ton nom. Feu du Saint-Esprit, descend maintenant, ouvre-nous de puissance, ouvre-nous d'autorité, ouvre-nous, oh notre Dieu, notre Père, de fermeté, ouvre-nous maintenant, nous en avons besoin pour faire ton œuvre. Louange à toi, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le Saint-Esprit peut aussi se manifester sous forme de dons et charismes. Le jour de la Pentecôte, il y a ceux qui ont parlé en langue. Mais il n'y a pas que les parler en langue. Il y a ceux qui peuvent recevoir le don de prophétie, le don de discernement, la parole de sagesse, la parole de connaissance, ainsi de suite. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit, de manière souveraine, puisse maintenant se manifester à nous. Peut-être que toi qui m'entends, il y a des dons qui sont étouffés depuis longtemps dans ta vie. Tu te sens tiède, tu te sens timide. Prie maintenant pour que le Saint-Esprit, pour que la Pentecôte maintenant s'accomplisse dans ta vie, maintenant même, là où tu es dans ta chambre, dans le nom de Jésus-Christ, et que l'Esprit de Dieu descende en toi. Que tous les dons qui ont été étouffés soient débloqués au nom de Jésus-Christ. Prions pour chasser tout esprit de moquerie, de mépris au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à l'Éternel des armées, gloire à Jésus-Christ qui ne nous a point laissés orphelins et qui a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Paraclet, afin que le Saint-Esprit vienne ce matin. Père, nous invoquons le Saint-Esprit sur toute personne qui écoute cette émission. Merci Saint-Esprit donc de baptiser quelqu'un ce matin. Merci de baptiser quelqu'un. Merci de descendre dans la vie de quelqu'un afin que les dons et charismes qui étaient enfouis, qui étaient cachés, qui ne se manifestaient plus, commencent à se manifester. Que quelqu'un soit baptisé et parle en langue. Que quelqu'un reçoive les dons de guérison, de miracle et de puissance. Que quelqu'un reçoive ce matin le discernement des esprits. Père, merci de libérer ton esprit dans ce foyer, dans cette maison, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Toi seul es capable de changer cette vie. Toi seul es capable de briser la honte, de briser les œuvres des ténèbres dans nos corps et de te manifester. Merci parce que tu te manifestes maintenant. Maintenant même, quelqu'un est en feu. Maintenant même, quelqu'un reçoit la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et parle en langue. En langue. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Pour ton œuvre. Parce que nous sommes disposés à te recevoir. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Œuvre en puissance, en puissance, en puissance, et que nos pensées, nos idées soient soumises en toi pour que ta gloire resplendisse dans nos vies, dans nos ministères, dans nos églises, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSP. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.